rester un tout petit moment avec Michel Pruvot finalement. Il va nous interpréter encore deux petits morceaux, Galito et le retour des hirondelles. Oh, c'est déjà le temps du retour des hirondelles? Je ne le crois pas, mais, sait-on jamais. c'est un passodoble avec Morena de mi copla, Alain Chambas. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. On va aller visiter, ou du moins on va participer à la Fiesta à Valencia avec André Lope. Et tout de suite après, la Paloma. suite de Marche tyrolienne, on est toujours avec André Lhope. Ah là, c'est un superbe petit tango, sentimental tango. Là, ce sont les souvenirs qui reviennent. Petite valse pour changer un peu tout ça, et on retrouve le passo collignois. Thank you. Au pays du Mont-Blanc? Ah, c'est avec le terrible Bernard Marly. Et puis, avec Bernard Marly, on écoutera également Fleur de neige. Eh oui, c'est peut-être le moment. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Thank you. L'écho des forêts. L'écho des forêts? Oh ben écoutez, si on va en forêt, peut-être c'est peut-être pas forcément le grand beau temps pour ou le grand moment, pardon, pour aller en forêt. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Savoyard, toujours l'enfant terrible de l'accordéon savoyard, Bernard Marly. Thank you.

assez charmant, la taille souvent prend de l'avantage. Ce n'est pas méchant, ça finit tout le temps par un mariage. Le gros de l'affaire, c'est lorsque la mère demande sévère à la jeune enfant. Ma fille raconte comment triste honte as-tu fait ton compte? Réponds, je t'attends. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. Car c'est toujours pareil, tant qu'il y aura du soleil, on verra les amants au printemps s'en aller pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. Et puis Tino Rossi. Tino Rossi pour terminer cette deuxième et cette, également cette émission. Avec Tristesse, c'est peut-être un titre un peu, comment dire, un peu tristounet, oui, puisque ça s'appelle Tristesse. Mais pourquoi pas finalement? La tristesse fait partie de la vie, quelquefois. Comme des fleurs, la nuit fut brève, hélas, pourquoi si tôt fermer nos cœurs à l'appel du bonheur. L'ombre s'enfuit, manœuvre hésite à murmurer près de nos aveux, des mots d'adieu. Le soleil paraît trop vite, faut-il donc que l'on se quitte? Voilà, c'est fini. Merci pour ce dimanche musette. On se retrouve avec plaisir, en tout cas je l'espère, mardi. 10h, 12h. Belle journée à vous. Merci de votre fidélité. Je vous aime, je vous embrasse. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5.